Elles ont fait de moi un homme, yeah. Mes douleurs et mes peines, je traînais de hall en hall, uh-huh. Quitte à finir à freine, on m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait, yeah. Ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zèle. Put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air. Either way we do it, what we wanna, yeah. Do, so you can come along. Veni, vidi, vicis, je suis venu, j'ai vaincu. J'aimerais tellement te dire que t'es pas ma chlou, mais ces mots sonnent faux. Oh, oh, yeah, quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. J'traîne de hall en hall, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zèle. Put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air. Either way we do it, what we wanna do, so you can come, yeah. Along, we're gonna go through. Put your hands in the air, yeah, yeah. I'm sitting here with my radio, and all I hear is blah, blah, blah, blah, blah. Man, these motherfuckers ain't talking about nothing. So it's up to me to come through and do what I gotta do and separate the real from the fake, yeah. Swag sur la casquette, Louis sur le gilet. Le rap c'est comme le McDo, t'as pas le choix, j'suis le filet. Yeah, c'est banlieue sale sur la piste. La voiture dont dit j'écoute plus cher que la promo de leur artiste. All they wanna do is talk about me, say that they don't like me. Then I see them all at my shows. So let's get it, get it, get it, yeah. Homie from Miami all the way to Paris. Winnie baby and Francisco, you know how we roll. Penny, Vidi, Vici, yeah we came, so I took it all. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zèle. Put your hands in the air, put hands in the air. Put your hands in the air, put hands in the air. Either way we do it, what we wanna do, so you can come along, and we're gonna go through. Put your hands in the air. Yeah, yeah, veni, vidi, vici. Je suis venu en Gucci, en Louis. Tu devais sortir en juin, finalement tu sors en automne. T'as écouté mon disque et t'as repoussé ton album. Yeah, on les oubliera tous comme Danny Glover. Pour nous c'est Range Rover, pour eux c'est Game Over. Yeah, concert à guichet fermé, fais pas le bête. Maintenant bouchez la rue pendant que tu bouchais la toilette. Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Quoi de neuf, Winnie Pay? Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. J'traîne de hall en hall, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zèle. Put your hands in the air, put hands in the air. Put your hands in the air, put hands in the air. Either way we do it, what we wanna do, so you can come along, and we're gonna go through. Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. J'traîne de hall en hall, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zèle. Put your hands in the air, put hands in the air. Put your hands in the air, put hands in the air. Either way we do it, what we wanna do. Moi j'te présente ma banlieue sale, musique.